Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. André Brink. Jean Dormesson. Lydie Salver. Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. À voix nue. Ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. Premier épisode, une jeunesse dorée sous la dictature. Antonio Lobo Antunes, vous êtes né en 1942 à Lisbonne, dans le quartier de Benfica. Lisbonne, c'est la ville où vous vivez toujours aujourd'hui. Vous êtes l'aîné de votre fratrie, issu d'une famille qui a donné beaucoup de militaires et beaucoup de médecins au Portugal. Une double hérédité qui va compter, Antonio Lobo Antunes, puisque l'expérience de la guerre en Angola va vous marquer et vous serez également médecin psychiatre dans un hôpital de Lisbonne, l'hôpital Miguel Bombarda. Votre premier livre apparu en 1979, 5 ans après la révolution des œillets, après la chute du régime salazariste, les éditions Christian Bourgois ont publié en France une vingtaine de vos livres. Cette série d'émissions à voix nue a pour vocation, comme toujours, d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous-même, sur différents aspects de votre vie, de votre travail d'écrivain. Il faut resituer le contexte historique, rappeler que Salazar avait pris les pleins pouvoirs en 1933. Il instaure un parti unique au Portugal, l'Union Nationale. On disait qu'il était proche de l'idéologie de Mussolini pour un catholicisme fervent et puis une haine farouche du communisme. Salazar a beaucoup inspiré notre, si je puis dire, maréchal Pétain pour son goût, pour la patrie, pour la famille. Naître comme vous, Antonio Lobo Antunes, en 1942, dans une famille aisée, c'est avoir quel type d'éducation, quelles sont les valeurs que vous avez reçues quand vous étiez enfant? Bon, vous savez, être né pendant une dictature, pour moi, c'était tout à fait normal. Car ça durait depuis 26, quoi. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal. Le fait, par exemple, que les gens n'avaient pas de passeport. Le fait que pour sortir du Portugal, il fallait aller à la police politique, demander le passeport et payer pour cela. Le passeport vous était donné pour 2 ou 3 pays pour une période de temps très très limitée. Pour moi, ce fut étrange parce que, comme je m'appelais Antonio, mon grand-père qui s'appelait Antonio, le père de mon père, qui était brésilien d'ailleurs, avait fait la promesse de m'emmener faire la première communion à Padoue, où est le tombeau de Saint Antonio. Et donc on a fait un voyage en auto, Portugal, l'Espagne, la France, la Suisse et l'Italie, quand j'avais 8 ans. Et je crois que ce voyage fut très marquant pour moi. Parce que j'étais jamais sorti du Portugal, je connais, et de pouvoir me promener comme ça dans l'Europe. Et vous savez, c'est quand j'ai compris que quelque chose clochait. Il y avait quelque chose de différent. Mais je crois que c'est, j'ai une immense dette envers La Fontaine, car c'est avec La Fontaine que j'ai appris ce que c'était que la démocratie. Car il a un vers où il dit qu'un chien peut bien regarder un évêque. Et moi, j'étais abasourdi, parce que c'était les évêques qui pouvaient regarder les chiens. C'est un pays où les couches sociales étaient très, très, très marquées. Il n'y avait pas de mariage entre les classes, entre les différentes couches sociales. Où on parlait pas, on pouvait pas parler politique, car on savait pas qui était l'indicateur. C'était le mari, la femme, l'enfant, le fils, le frère, la sœur, etc. Donc, on parlait très peu de choses. Et je suis né dans une famille où toutes les émotions, tout était très policé. J'ai beaucoup de frères et on n'a jamais eu des conversations personnelles, jamais. Bon, donc après ce voyage, je suis tombé malade avec une tuberculose. J'étais au lit et donc j'ai commencé à écrire parce que j'étais couché dans un monde de gens qui bougeaient, qui marchaient, qui sortaient, qui entraient, etc. Ma mère m'avait appris à lire et j'ai commencé à écrire et c'était marrant parce que vous mettiez les mots les uns après les autres et ça avait un sens, ça m'émerveillait. Et l'angoisse, ça vient plus tard, quand vers 14-15 ans, vous commencez à comprendre qu'il y a une différence entre bien écrire et mal écrire. Et vers 18-20 ans, vous découvrez qu'il y a une différence entre bien écrire et chef-d'œuvre. Et là, c'est le désarroi complet. C'est le désarroi complet. Et écrire, et qui commence par être un plaisir immense, ça devient très angoissant parce que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'écrire, c'est très difficile, que je sais très peu sur l'art d'écrire. Et que l'expérience est comme le flotteur des hydroavions. Il vous sert à rien quand vous êtes dans l'air, n'est-ce pas? Et donc, à chaque livre, j'ai de plus en plus peur d'écrire. Donc, ce que je fais, c'est de me donner une... Je commence une date aléatoire, le 6 avril, ou le 18 mai, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai peur, j'ai vraiment peur. Et j'ai peur de décevoir les gens qui ont eu en moi une confiance que j'ai jamais partagée. Et puis tout ce qui m'est arrivé me donne une peur bleue, de décevoir les gens. Vous voyez, Antonio Lobo-Antunes, je vous parle de votre enfance, de votre éducation. Et pour parler de votre vie, tout de suite, vous parlez de l'écriture. Ce qui n'est évidemment pas un hasard. Non, c'est que je ne sais pas. Toutes les enfants sont heureuses rétrospectivement. Mais quand on les vit, l'enfance est un âge plein d'incertitudes, de désirs non accomplis, d'envie qu'on vous compte. Et puis il y a le côté normatif des adultes qui est horrible. Hein? Pourquoi est-ce que je dois me laver les dents avant d'aller me coucher? Pourquoi est-ce que je dois faire pipi dans cet endroit et pas pourquoi est-ce que je dois tenir la fourchette d'une certaine façon, vous savez, tous ces interdits et tous ces ordres, je me suis toujours révolté contre cela. Pourquoi? Au nom de quoi? Et quand je demandais cela, ma mère disait des phrases comme « parce que c'est l'ordre naturel des choses ». J'en ai profité pour le titre d'un livre. Pour en faire un livre, oui. Et je comprenais pas. Pourquoi? Mais il y a quand même des figures qui sont importantes. On reviendra sans doute sur celle de votre père, mais les femmes ont leur importance. Vous avez parlé déjà deux ou trois fois de votre mère, mais il y a une tante Madeleine, qui compte beaucoup. Il y avait pas de femme chez mes parents. Il y avait ma mère, parce que nous sommes six garçons, n'est-ce pas? Il y avait une mère, il y avait les bonnes, il y avait une multitude de bonnes, tout le monde avait des bonnes, et il y avait nous. Il y avait un jardin. Il y avait une maison, il y avait ces ordres et ces pistes. Tout cela m'ennuyait, l'école, etc. Et pour mes parents, j'étais l'aîné. C'était compliqué pour eux. C'était pas une révolution ni une révolte. C'était une non-acceptation de valeur de la part d'un enfant qui comprenait pas pourquoi les choses devaient être comme ça et qui n'était pas satisfait des explications qu'on me donnait. Mais justement, l'aîné de six garçons, dont le père est médecin, professeur à la faculté de médecine, il devait logiquement devenir médecin. Est-ce qu'il y a eu quand même une discussion avec votre père à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu l'amorce d'un conflit entre vous à ce sujet, sur le sujet de vos études? Non, pas du tout. Je crois qu'au fond de lui-même, c'était un neuropathologue, n'est-ce pas? Il travaillait avec... Il avait en lui un artiste manqué. Il avait pas... C'était un homme intelligent, sans doute, mais il avait aucune imagination. Il avait aucune créativité et aucun sens d'humour. C'est drôle, la relation d'un garçon avec le père. Mon père, il est mort il y a à peu près 5 ans. Et c'est après sa mort que nous avons commencé à bavarder. Un dialogue s'est entamé entre nous, a débuté entre nous et s'est continué pendant 2 ou 3 ans. C'est tellement étrange parce que le passé est la chose la plus imprévisible au monde. Hein? Et soudain, je me suis surpris, et je crois que lui aussi, parce que on communiquait. Il changeait à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous avez encore votre père. Non. Mais c'est très drôle quand un père, le père meurt, car on continue d'en parler. On entame un dialogue qu'on n'a jamais eu. On leur parle sans les mots, et ils nous répondent sans les mots. Et on a l'impression vraiment qu'ils sont là. Et on commence là à concevoir et à comprendre la quantité d'amour caché qu'il y avait sous la révolte, le désir que j'avais parfois qu'il meure, des choses comme ça. Tout. Et on comprend comme un homme est profondément lié à son père. Au début, ça m'a étonné, car dans les hôpitaux, les gens même très très âgés mouraient en appelant la mère. J'ai jamais vu un homme ou une femme mourant en appelant son père. Et pourtant, le rôle du père est tellement important pour un garçon. Je me suis seulement rendu compte quand il est mort. Bon, et puis il y a eu toute cette discussion. C'était pas discussion, c'était une conversation. On a interrompu son début, son fin, jusqu'à ce que la paix entre nous vienne. Et là, j'ai compris que beaucoup de fois, il avait eu raison contre moi. Et que c'était beaucoup plus facile de parler avec lui de ce que je m'imaginais. Et que lui, qui me semblait tellement intransigeant, soudain, il y avait comme une sorte de... un principe de vase communion. Et on était capable de parler des choses qu'on n'a jamais parlé, des émotions, par exemple, des sentiments personnels, etc. Donc, ce fut très curieux, car c'était un long dialogue entre nous. Donc, je me demande si... qu'est-ce que la mort ? Ça m'a amené à penser à ça. Qu'est-ce que la mort ? J'ai pensé, mon Dieu, peut-être que la mort, c'est vivre d'une autre façon. Car il était tellement vivant. Et maintenant, le dialogue est fini, on est là. Mais c'est très curieux, avec les gens que nous avons aimés et qui sont morts... tellement de choses sont restées entre nous qu'on devait dire. Hein. Et on se sent tellement coupable de ne pas avoir mieux compris l'autre, mieux entendu, etc. Donc l'enfance, quand je pense à l'enfance, je pense à des occasions ratées d'amour. Des occasions d'amour ratées. De compréhension et de communion. Et d'une sorte d'un partage d'émotions et de sentiments qu'on n'a pas eu. Peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens, peut-être parce qu'on n'avait pas le courage. Je parle de moi. J'avais pas le courage et que nous essayons de garder pour nous-mêmes un noyau de ténèbres, impartageable, que nous pensons impartageable, et que nous gardons pour nous-mêmes au fond de nous-mêmes et que nous ne partageons avec personne, ce qui fait que nous sentons. Nous sommes terriblement seuls parfois, parce qu'il y a tout ce noyau qui reste en nous et qui fait que, enfin, on se sent comme une île parfois. Donc pour moi, l'amitié devient de plus en plus importante. Mais il me semble, et ça nous en reparlerons dans d'autres entretiens, Antonio Lobo-Antunes, que c'est vers ce noyau que vous écrivez, ou en tout cas vous essayez de vous en rapprocher toujours plus dans vos livres, on aura l'occasion d'en reparler, mais vous évoquiez la paix avec votre père, vous évoquiez la mort, mais pour le coup, ça m'amène à vous parler de la guerre en Angola. Vous étiez finalement assez âgé quand vous êtes allé là-bas, puisque vous aviez fait de longues études, vous aviez 28 ans, si mes calculs sont bons, en janvier 1971, quand vous allez en Angola. C'était vieux pour faire une guerre, mais encore une fois, les études de médecine étaient passées par là. Vous allez y rester 27 mois. Cette guerre, elle durait déjà depuis 10 ans, 1961, son début. On a fait le calcul qu'il y a 1 500 000 Portugais, jeunes Portugais, qui ont été en Angola durant tout ce conflit. Mais vous en aviez quelle approche quand vous êtes parti en Angola vers ce qui était encore donc une colonie portugaise? Comment est-ce que vous considériez la situation? Bon, d'abord la guerre, on ne savait pas ce que c'était parce qu'on n'en parlait pas dans les journaux. On n'avait aucune information. Un cousin germain à moi était mort. En Angola, deux ou trois ans avant que je n'y aille. Donc j'avais pas ce que c'était. Donc on passait beaucoup de temps à l'armée. On passait 3-4 ans à l'armée. Hein. D'abord comme élève officier, puis comme officier. Puis j'avais toute la préparation militaire pour la guerre, etc. Et personne ne savait que c'était la guerre. Les soldats avaient 20 ans, 21 ans. Les sous-lieutenants, 22, 23, 24, c'était un peu plus âgé. 26, 27, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Et soudain, on m'a mis dans un navire avec des compagnies de combat, des bataillons de combat. La première sensation, ce fut, en arrivant dans la capitale, Luanda, ce fut le soir, la nuit, quand je regardais les étoiles, je pensais, qu'est-ce que je fais ici? Il n'y avait pas les étoiles que je connaissais, l'ours majeur, l'ours mineur, etc. C'était les étoiles tellement différentes, une odeur différente, des gens différents. Je pensais, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'était rien du point de vue politique. Quand j'avais aucune formation politique, j'ai passé ma vie à écrire, à jouer aux échecs. Et même le mouvement étudiant contre la dictature, il fallait du courage et moi, j'étais lâche, j'avais peur. J'avais peur d'aller en prison, j'avais peur des rafles de la police. J'avais peur. Et donc j'ai passé la fac, à côté de la fac, parce que j'allais non plus aux classes, ou le moins que je pouvais. J'écrivais, c'est tout. Et j'avais une conception ptolomaïque du monde. On était le centre. J'allais faire une œuvre comme je n'avais jamais été écrite dans aucune langue. Et donc, je devais donner toute ma vie à cela. En fait, il y avait de la lâcheté en tout ça. Et une difficulté à vivre avec les autres et avec moi-même. Donc, en arrivant, c'était la première surprise, c'était ça. Bon, puis après, on ne peut pas parler de la guerre, car c'est toujours horrible. Et par respect pour les morts, on n'en peut pas. Mais voir mourir des garçons qu'on appelait des hommes en pleine santé. Et puis personne ne gagne une guerre, tout le monde perd. Donc on a fait des choses très cruelles, très violentes. Et ce fut là, ma chance, je pensais, ça c'est ma chance. C'est ma chance de gagner mon respect. Puisque je me suis comporté en lâche pendant la dictature. Donc je m'offrais pour des choses. Et puis j'ai commencé à comprendre que le problème, c'était pas la peur, c'était la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur. Par exemple, on vivait dans une immense tension avant les attaques. C'était en général vers 11h. On dînait à 5h parce que c'est toujours nuit, à 6h, toujours matin. Hein. Et entre 6h et 11h, c'était une tension immense. Quand on commençait, poum, poum, poum, c'était là, vous étiez calme. Et j'écrivais tout le temps que j'avais livre, comme d'habitude. J'écrivais, j'étais dehors, parce que c'était pas encore ça. Mais là, j'ai appris, je crois qu'on a détruit une civilisation, peut-être pas très loin de la civilisation maya, comme les Espagnols ont fait. On a tout détruit. C'était une colonisation très mal faite. Avec le concept français à la guerre d'Algérie des villages stratégiques qui ne marchaient pas du tout en Afrique, c'était une situation. Mais je vous interromps, Antonio Lobo-Antunes, vous aviez entendu parler de la guerre d'Algérie, vous aviez entendu parler à ce moment-là des autres guerres d'indépendance où le Portugal était si fermé au reste du monde, isolé, fier d'être isolé, que vous ne saviez rien, vraiment. Vous savez, nous avions les camouflets du général Massu, les mêmes camouflets, les mêmes couleurs, etc. Mais vous saviez bien que l'Algérie avait gagné son indépendance contre la France. Ouais. C'était ça le sens de l'histoire. Oui, mais c'était pas. Il y avait beaucoup d'enflures. Par exemple, nos hélicoptères, c'est des hélicoptères français. Quelques-uns de nos avions, c'est des avions français. Il y a beaucoup de monde qui a gagné beaucoup d'argent avec cette guerre. Hein. Parce que les deux côtés, du côté des mouvements d'indépendance, de notre côté, les armes étaient achetées aux mêmes endroits. Nous avions des armes allemandes, c'était. Et parfois, les mouvements de libération étaient bien mieux armés que nous. Alors, c'est vrai que vous dites, et je le conçois très bien, Antonio Lobo-Antunes, que Vous ne pouvez parler de la guerre qu'avec ceux qui ont fait la guerre, comme vous, quelle que soit cette guerre d'ailleurs, et donc je ne vais pas en parler avec vous, mais on a pu en tout cas ressentir une part de cette expérience avec la publication en France des Lettres de la guerre en 2006, puisque durant ces 27 mois, vous avez écrit tous les jours ou presque à votre femme, et que ces lettres, vos filles les ont retrouvées et ont décidé, vous dites que c'est leur décision, de les publier. Est-ce que vous avez dû les relire pour partie, ces lettres ? Non, je ne les ai jamais lues. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Car toute la correspondance que je recevais, je l'achetais, je les déchirais tout. Je n'avais pas la moindre idée. Mais vous savez, pour en finir avec la guerre, on a l'impression que les gens qui sont là-bas discutent la justice ou l'injustice de la guerre. Il y a un film d'Olivera qui s'appelle « Non, la vaine gloire de commander ». Voilà. Où il y a un épisode où les soldats dans la brousse discutent, c'est vrai, c'est juste, c'est pas juste. Ça, c'est complètement idiot. Vous êtes tellement occupés à survivre. Chacun de nous avait... J'avais trois calendriers, faire une croix sous les jours. Donc, c'était pendant 27 mois, on vivait pas, on voulait que le temps passe. On était tellement occupés à survivre et arriver au jour suivant qu'on se posait même pas des questions comme ça. Je suis seulement dans la deuxième... Vers la fin, quand on est... Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de guerres. Quand on a changé de place pour un endroit tranquille, là, une chose très étrange commençait à arriver. Les soldats ont commencé à se suicider. Il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de danger. Et c'est là seulement qu'on s'est commencé à s'interroger sur la justice ou l'injustice de tout cela. Pas pendant la guerre, parce que pendant la guerre, ce que vous voulez, c'est survivre. Vivre, résister, sortir de là vivant. Dans votre deuxième roman, Antonio Lobo Antunes, Le cul de Judas, on voit un homme qui raconte à une femme sa vie. Et dans sa vie, il y a cette guerre en Angola. Donc c'est le récit d'un récit. C'est la façon la plus proche pour vous de pouvoir parler de la guerre ou écrire sur la guerre que de raconter quelqu'un qui raconte. Je n'ai jamais écrit un livre sur la guerre. Dans les premières versions de ce livre-là, il y avait seulement l'homme et la femme. Et comme une relation homme-femme pouvait être sanglante et cruelle et violente, etc. Et puis, à un certain moment, je me souviens plus lequel, pour corser le récit, j'ai eu l'idée de faire un contrepoint avec quelques épisodes de la guerre en Afrique. Et qui était aussi sanglante que ça peut être la guerre d'un couple. Ils se tuent pas avec un fusil. Les gens, les mariés d'ordinaire se tuent à l'usure. Ce qui est encore plus violent. Par exemple, il y a une chose qui m'a toujours surpris, c'est l'horreur des week-ends pour les couples et des vacances. Mais les week-ends, ça vient, c'est que un tunnel de 48 heures, sans travail, sans rien faire, ils sont là l'un devant l'autre. Tous les fantômes paranoïaques commencent à apparaître. Si je me séparais de toi, je serais plus heureux. Si ce n'était pas toi, blablabla. Donc, avec des identifications projectives. Et c'est une bataille, parfois. Bon, le samedi matin, ça va encore. On va au super acheter des choses, etc. Puis, quand cet été, on lave la voiture et le reste du temps, on est là, en face l'un de l'autre. Et quand on n'est pas en train de faire l'amour, il y a une certaine paix. Et quand ils doivent être là avec les enfants, là, c'est l'enfer, vraiment. Et donc, c'est à cause de ça que j'ai mis là. Et j'avais aucune expérience d'un mariage comme ça. Je m'étais marié 3 mois avant de partir à la guerre. Parce que je pensais, si j'ai un enfant, je meurs pas. Si j'ai un enfant, je meurs pas. Mais on meurt quand même. Et parce que je pensais que nos enfants nous appartenaient. Et puis j'ai compris que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent à personne, mais ils ne nous appartiennent pas. Peut-être une dernière chose, Antonio Lobo Antunes, sur une chose qui a compté très fortement pour vous pendant cette guerre en Angola, et qui donne aussi un sens à l'engagement dans la littérature. Ce sont les lectures qui étaient faites après le dîner, en attendant les bombardements de 11h du soir, les lectures de la Légende des siècles de Victor Hugo. Ça, c'était à la guerre, oui. Mais avant cela, mon père, il pouvait avoir tous les défauts. Mais il avait un père... Il n'y avait pas de livre chez mon grand-père. C'était un officier de cavalerie, il n'y avait pas de livre, il ne lisait rien. Et je crois que mon père a commencé à lire contre son père. Mais par exemple, entre moi et mon quatrième frère, il y a 5 années de différence. Donc quand on tombait malade, tout le monde tombait malade. Et il revenait de l'hôpital, il s'asseyait sur un de nos lits et nous lisait. Il nous lisait de la poésie, il nous lisait les écrivains qu'il aimait. Et puis il a inventé des devoirs de vacances atroces. Par exemple, à résumer un chapitre de Madame Bovary et de discuter avec lui. Et je parle de Flaubert parce que c'était un auteur qu'il aimait beaucoup. Je me souviens par exemple que j'avais 14 ans et il m'a donné... Mort à crédit de Céline, à lire. Il appartenait à sa bibliothèque, à lui. Et pour moi, ce fut une rencontre merveilleuse. Je pensais, mon Dieu, ce qu'on peut faire avec les mots. En cela, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un parrain, un frère de ma mère, quand j'avais 13 ans, m'a abonné aux Nouvelles Littéraires. Et je me souviens parfaitement, le premier numéro qui est arrivé, il y avait ce poème de Blaise Sondrard, Les Pâques à New York. Et ça, pour moi, c'est une autre découverte extraordinaire. Ce qu'on, mon Dieu, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ressentir et le transmettre. C'est ça que je veux faire. Bon, et puis, j'ai trouvé, au lieu d'aller en métro au lycée, j'allais à pied, puis avec l'argent, le samedi, j'allais dans des boutiques de livres d'occasion, qui étaient de très bon marché à l'époque. Le livre de poche qu'il y avait, hein. Et j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais acheter. Gilbert Cesbron jusqu'à à Madame de Sévigné, je lisais tout. Son critère. Je me souviens de... Il y a un autre livre qui fut marquant pour moi et que je continue de considérer un chef-d'œuvre. C'est le journal de la Croix. Que j'avais pas l'âge pour le comprendre très bien. Un journal très... C'est une pure merveille, comme littérature et comme pensée et tout cela. Mais pour un jeune garçon de 15 ans, c'est difficile. Parce que la lecture, ça me donne toujours un plaisir sans mélange. Un immense plaisir. Et j'adore les mauvais livres. J'adore les mauvais livres. Je connaissais très bien ce qu'on appelle la littérature française, deuxième ordre, je sais pas, Pierre Benoît, Troya, Mauroy. J'adorais tout cela. Je lisais tout. Et en cela, je disais ça et je pensais à Radiguet, qui disait, il faut lire les mauvais livres pour apprendre à écrire. Car il soutenait qu'un bon livre, c'est comme un œuf. Il faut lire 2-3 fois pour voir où il a hésité, où il a retravaillé, tout ça. Il faut lire 2-3 fois un bon livre. Et à chaque lecture, c'est un livre différent. Un mauvais livre, c'est toujours le même. Et tout le mécanisme, tout le revers du scénario, vous le voyez, tous les clous, etc. Et donc on apprend beaucoup avec les mauvais livres. C'est bien de lire les mauvais livres. C'était À Voix Nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo Antunes. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Desvignes, prise de son Valérie Lavalard, attachée d'émission Claire Poinsignon. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Demain, deuxième épisode, La Révolution des œillets. Société d'écrivains, deuxième partie, le temps de la lecture. Ce soir, des pages arrachées à un livre de Antonio Lobo Antunes, Mon nom est Légion, un livre paru aux éditions Bourgois. Un policier en fin de carrière a reçu pour mission de neutraliser une bande d'adolescents se livrant, comme le dit l'auteur, à des actes antisociaux à caractère violent et qui a pour base de repli le quartier du 1er mai, amoncellement d'habitations clandestines au nord-ouest de Lisbonne. Le policier n'est cependant que le premier d'une longue série de narrateurs, tous concernés à des titres divers par cette enquête. David Holofernes, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo Antunes, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Vallès. Antonio Lobo Antunes. Mon nom est Légion. Extrait. Première émission. Texte dit par Philippe Magnon. Les suspects au nombre de 8 et âgés de 12 à 19 ans ont quitté le quartier du 1er mai situé au nord-ouest de la capitale, malheureusement connu pour son délabrement et les problèmes sociaux y afférents, à 22h00 en direction d'Amadora, où on les soupçonne d'avoir dérobé aux environs de 22h30, hypothèse à confirmer après interrogatoire tant des suspects que d'éventuels témoins, pour l'instant non identifiés, en recourant à la méthode dite du passe-partout, deux voitures de tourisme de moyenne cylindrée stationnées aux abords immédiats de l'église, à faible distance l'une de l'autre et du côté de la rue où les lampadaires défectueux, vandalisme ou simple état de fait, permettaient d'agir avec une plus grande discrétion, après quoi ils se sont dirigés vers la sortie de Lisbonne par l'autoroute du Nord, en empruntant la voie rapide où les dites voitures n'étant pas munies du dispositif magnétique nécessaire à l'utilisation du télépéage, leurs numéros d'immatriculation ont été enregistrés conformément à ce qui est indiqué sur la photocopie ci-jointe, d'ailleurs de piètre qualité, et l'on avise respectueusement la hiérarchie qu'il est urgent d'apporter des améliorations à un équipement obsolète. Confère photocopie numéro 1, qui reste déchiffrable, il est vrai, avec une loupe correcte. Nous sommes fondés à penser, sur la base d'affaires précédentes survenues, contrairement à celles-ci, dans des circonstances clairement établies, que les suspects se sont répartis dans les véhicules conformément à leur habitude, autrement dit ici désignés par leur sobriquet. Le capitaine, âgé de 16 ans, métis, le gamin, 12 ans, métis, le blondin, âgé de 19 ans, blanc, et le tombeur, 14 ans, métis, dans la voiture de tête. Et les quatre autres, le guerriero, âgé de 17 ans, métis, le chien, 15 ans, métis, le gros, âgé de 18 ans, nègre, et la hyène, 13 ans, métis, ainsi surnommé en raison d'une malformation du visage, bec de lièvre, et d'une laideur manifeste que nous osons sans crainte, bien que peu portée au jugement subjectif, qualifier de repoussante. Nous avons balancé entre repoussante et abjecte. À quoi s'ajoutaient d'évidentes difficultés articulatoires, cédant souvent la place à un dérèglement moteur immédiatement suivi de glapissements. Soulignons donc que celui qui se fait appeler le blondin est le seul de type caucasien, de race blanche en langage technique. Tous ses compagnons étant semi-africains, et dans un cas tout à fait noir. Donc plus enclin à la cruauté et à la violence gratuite, ce qui conduit le rédacteur de ces lignes, préoccupé qu'il est à prendre la liberté de s'interroger en marge du présent rapport sur la pertinence de la politique nationale d'immigration. Il était près de 23h00 lorsque les deux voitures ont atteint la première station-service sur le trajet Lisbonne-Porto, à environ 30 km du péage où ils se sont arrêtés moteur en marche. Seule une fourgonnette se trouvait près d'une des pompes. Devant la façade vitrée de l'établissement où l'on procède au paiement de la quantité de carburant acquise et où l'on peut dilapider son argent en revues, journaux, tabac, pas en alcool, j'ose l'espérer, chewing-gum et autres bagatelles. Dans l'établissement précité, un employé assis derrière sa caisse enregistreuse discutait avec le conducteur de la fourgonnette et un autre employé plus âgé balayait le parquet à proximité d'un bureau ou d'un local de rangement. Souhaitons qu'il ne soit pas utilisé à des fins de vente clandestine de boissons spiritueuses. Avec un écriteau « Entrée interdite » mal vissé sur le bois. Les suspects se sont munis de bonnets de laine et de lunettes noires avant de pénétrer sans se presser dans la boutique. D'après la déposition du caissier, l'un d'eux, sans qu'il puisse préciser son signalement, sifflotait. Équipé de fusils à canoncier et de pistolets de l'armée, et je m'autorise ici une brève digression, à mon avis pas complètement dénuée d'intérêt, pour souligner, dans le cas où l'on me permettrait cette note personnelle, combien les stations-service la nuit, avec leur lumière au bord de la route, me mettent du baume au cœur. Me font me sentir moins seul quand je reviens d'Hermesinde, le dimanche à l'aube de la visite que je rends à ma fille une fois par mois. Le monde, avec ses arbres confus, ses bourgades immédiatement perdues dont j'ignore le nom, me semble trop grand pour arriver à le comprendre. Et les pompes à essence toutes proches, nettes, j'allais écrire complices, mais je me suis retenu à temps, me donnent l'assurance que malgré tout, j'ai une place, même si elle est infime, dans le concert universel. Quelqu'un m'attend peut-être, si seulement je savais où, avec la tasse d'un sourire sur une nappe, amie et moi, ému, je peux vous le dire, reconnaissant. Je m'excuse d'insérer dans un document officiel sur du papier de l'État cette confidence inopportune et d'y exprimer ce désir absurde de compagnie. Tourner la clé dans la serrure et entendre depuis le garde-manger, le séjour, je n'ose suggérer la chambre, une voix qui prononce mon prénom. « C'est toi ?» Au lieu du silence habituel et de l'indifférence des choses. De sorte que les stations-service, la nuit, écrivais-je, s'approchent de cette notion du bonheur que je cherche depuis si longtemps à atteindre. Passons. Pour reprendre le présent rapport, dont, sans excuse, j'ai pleine conscience de ma faute et m'en repens. Je me suis écarté. Les suspects équipés de fusils à canoncier et de pistolets de l'armée ont pénétré sans se presser. L'un d'eux, on ignore lequel au juste, sifflotait. Dans la boutique, sans que le caissier ni le conducteur de la fourgonnette ne prêtent attention à eux, occupés qu'ils étaient à commenter une nouvelle d'un journal sportif, et c'est l'employé qui balayait le parquet à proximité du bureau ou du local de rangement, lequel ne contenait pas, je suis heureux de le préciser, de boissons spiritueuses, même si je ne peux écarter, ce ne sont pas les escrocs qui manquent, la possibilité qu'on les ait camouflés avant mon inspection. Qui s'est aperçu que c'était un braquage et, levant son balai, a prévenu son collègue. « César, vise un peu ces négrillons !» Sans avoir l'opportunité d'aller plus loin dans ces considérations, vu que l'un des fusils à canoncier a tiré consécutivement 5 projectiles, sans qu'on remarque de sang sur ses vêtements. Du sang sur le mur derrière lui, après qu'il s'est effondré dans une succession de tressaillements, c'est-à-dire les fesses à terre, regardant les suspects ou ne regardant personne, comme mon beau-père qui relevait la tête, aveugle, tout à ses mots croisés, ruminant des synonymes avant de l'abaisser à nouveau pour remplir les petites cases de majuscules triomphantes, la main droite, de l'employé, pas de mon beau-père, s'est allongé, le majeur, qui avait mis plus longtemps que les autres doigts, s'est très légèrement rétracté. Je le vois encore. Et je me demande si le vent agitait les arbustes au dehors ou s'il les laissait en paix. Pendant une éternité, enfant, j'ai cru que les arbres souffraient. Les ifs, par exemple, une peine contenue. Moi, de petites tapes sur les troncs. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Mais aucune réponse. Des douleurs secrètes comme les branches d'une manière générale. Elles font semblant de rien, les dissimulent, et cependant, lorsqu'elles s'imaginent que personne ne les observe, elles fabriquent un lézard dans une crevasse de l'écorce. C'est leur façon à elles de verser des larmes. Le conducteur de la fourgonnette a cru pouvoir reculer d'un pas et s'abriter derrière une pile de revues. Mais pas le moindre pas. Une crosse de pistolet l'a atteint à l'épaule et la moitié gauche des os que protégeait un sourcil tremblotant s'est décrochée de la moitié droite. Mon beau-père, lui, supportait ses coliques néphrétiques en s'aidant non pas du sourcil, mais de la paume de la main pour les repousser vers l'intérieur du ventre. C'est pas le moment de venir m'ennuyer. Et je suis persuadé que les arbustes de la station-service en train de secouer de minuscules fleurs sans nom, tant de feuilles en train de vibrer en espérant qu'on les sauve. Moi ! L'un des suspects est passé derrière le comptoir et a vidé le contenu de la caisse dans un sac. Une voiture est venue s'arrêter devant les pompes à essence, car de nouveaux massifs de buis ont surgi de l'obscurité. Une clarté géométrique s'est fixée au plafond, s'est agrandie. Et vraiment, je donnerais cher pour observer les massifs de buis. Le conducteur de la fourgonnette, sans leur prêter attention, s'est avancé d'un pas chancelant vers les phares, tiré par son sourcil. Le canon du pistolet, une petite fumée, personne n'a remarqué le bruit. L'aurais-je remarqué ce bruit si je m'étais trouvé avec eux ? Le conducteur de la fourgonnette, à genoux contre la volonté du sourcil, indigné d'une telle désobéissance. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça, c'est une poitrine qui s'écroule. Pas une personne. Une chaussure qui se dilate, le trousseau de clés qui s'est détaché de la poche, et le trousseau, comme c'est étrange, un bruit immense, lent, le caissier sans comprendre, la chaussure énorme, ni les clés, un nez qui a glissé vers la bouche. Elle l'avale ou pas ? Elle ne l'avale pas. Suspects au nombre de 8 et âgés de 12 à 19 ans ont quitté la station-service à 23h10. On poursuivit vers Santarém, et les arbustes paisibles, la certitude que quelque part dans l'obscurité, peut-être dans ma tête... Je crois bien que dans ma tête, oui. Une fenêtre claque. Mon beau-père à ma mère du fond de ses mots croisés. La fenêtre ! De temps en temps, quand je m'y attends le moins, des gonds qui agacent, sa voix. La fenêtre ! Je regarde autour de moi, pas le moindre soupçon de courant d'air. Et pourtant la certitude qu'un inconnu en train de me souffler dans le cou et moi de demander « Mais quelle fenêtre ?» Les voitures volées ont coupé sur la droite, 12 kilomètres plus loin, et le dispositif magnétique manquant à ses obligations « Quelle fenêtre ?» n'a pas signalé les numéros d'immatriculation. Des pins maritimes, des chênes. La botanique n'est pas mon fort et j'étais en train de me demander si je me risquais ou non à des châtaigniers. Non, je ne m'y risque pas. Comment décrire un châtaignier correctement ? Des maisons d'émigrés, pour certaines inachevées ? Presque toutes inachevées. Ça suffit les imprécisions, mon garçon. À 63 ans, j'aime bien m'appeler mon garçon. Ça me donne l'illusion que la mort... Mais laissons ça. Bon, allez, on enchaîne. Un cuistot en céramique grandeur nature brandissant son menu pour indiquer un restaurant à grillade, c'est-à-dire une terrasse avec des piles de chaises et des parasols repliés. Le pelage trouble d'un chat se laissant couler suavement du haut d'une palissade. Une radio dans une véranda ouverte que les suspects n'ont pas entendue. Après la fontaine, un passage, deux passages. Notre maison qui aurait pu se trouver là, mais ne s'y trouvait pas. Ma mère à mon beau-père. Tu ferais mieux de lâcher un peu ton journal et d'aller la fermer, la fenêtre. On s'échine à me dire que je ressemble à ma mère et moi, je rétorque que non. En comparant avec son portrait, je ne me souviens pas du détail de ses traits. Peut-être les oreilles, la forme du menton, mais l'expression « jamais de la vie ». Du reste, d'après ma mère, moi et mon père, comme deux gouttes d'eau. Un ne suffisait pas, il a fallu que j'en ai deux à supporter. Alors que mon père, un pacifique, le pauvre, après la retraite, il chantait dans la chorale paroissiale et regardait la pluie tomber. Des après-midi et des après-midi au fond du canapé à murmurer je ne sais quoi. Ma mère savait, elle. Toujours la même rengaine. À regarder la pluie tomber. Un passage, deux passages. Au bout du second passage, une place et sur la place, une boutique de téléphone portable. Mon père a travaillé dans la police, lui aussi, mais pas comme enquêteur, évidemment, pas à cette cervelle. Aux services généraux, il mettait au propre. Tamponnait, comptait les mouches sur le store. Le chef du fond... On baille au corneille, Gosmao ? Quatre des suspects, 23h48, sont descendus de l'arrière des voitures volées et ont brisé la vitrine sans se préoccuper de l'alarme qui a commencé à hurler. Pas une sonnette, une espèce de sirène qui s'est mise à secouer le système solaire à deux mains. Là où j'habite, les ambulances me décollent le lustre avec leurs beuglements déventrés et les pendeloques en tremblent de peur en changeant de position, tandis que les voisins... Quelle frayeur ! Les suspects ont rempli leurs coffres de cartons, câbles, instruments, accessoires. Et 11 minutes plus tard, précisément, à 23h59, on rebroussait chemin pour rentrer vers Lisbonne. La voie rapide où, cette fois... Il y a tout de même des choses qui marchent, heureusement, dans ce pays en décadence. Les plaques d'immatriculation ont été flashées, se reporter au document joint au présent. S'il n'est pas tombé par terre. Lequel, si mon père était toujours en vie et commis aux écritures... Je n'ai pas honte de mon père, qu'on n'aille pas croire ça. Atterrirait sur son bureau pour un coup de tampon dateur. Excusez-moi de vous contredire, maman, mais je ne vois pas ce que j'ai hérité de mon père. Ils ont hésité à l'approche de la station-service dans le virage. On s'arrête pas. Ils ont commencé à freiner, tenté en vain de percuter un chien errant d'une embardée, pour finalement laisser tomber la station-service, comme l'animal, qui a d'ailleurs disparu dans un enchevêtrement de buissons. Ils ont préféré se rabattre sur un couple dans une voiture. L'homme au volant sur son 31 et la femme en train de se coiffer, inclinée vers la glace de son pare-soleil. Ils ont pris en sandwich le véhicule du couple. Je n'ai pas honte de mon père. Et ont progressivement ralenti en le tamponnant légèrement. La femme a arrêté de se coiffer, a rapetissé sur son siège. Le belâtre a tenté d'obliquer vers une autre voie, mais d'un coup, dans l'angle du pare-choc, ils l'en ont empêché, si bien que la voiture et le couple bientôt immobilisés, 0h14, d'après la déposition de la femme, sujette à caution à cause de la peur, selon moi qui ai refait le trajet, 0h30, au bas mot, et un espace sur la droite avec une borne d'appel pour quand les radiateurs flanchent. Je l'ai essayé, et un long silence. Finalement, vraiment rien qui marche dans ce pays en décadence. Moi, comme un imbécile, le combiné en l'air, et mon subalterne par la vitre baissée. Laissez ça! Un avis sur tout, le prétentieux. Faites comme si, pas comme ça. Plus grand que moi, les deux tiers de mon âge et une chevelure fournie, bien décidé à prendre ma place, et il va la prendre. C'est l'affaire de quelques mois, parce que dans ce purgatoire injuste, c'est ceux qui savent se faire bien voir des chefs qui réussissent, et non ceux qui travaillent. J'en ai fait la douloureuse expérience. Et quand il aura pris ma place, je ne m'aventurerai pas à donner mon avis par la vitre baissée. Laissez ça. J'attends obéissant, bien sage. Vous avez raison, mère. On dirait mon père tout craché. On me donne un tampon et moi, tout content, je l'humidifie sur le coussin et le blason de la République luisant d'encre dans le coin supérieur droit des documents. Le véhicule du couple pomponné coincé sur le bas-côté par les voitures volées. Pas d'arbre cette fois et par conséquent pas question de châtaigniers que je ne me risquerai pas à décrire. Des pins et des chênes à la rigueur, des châtaigniers, non, je suis conscient de mes limites. Pas d'arbre. Des rails de sécurité bordant un talus avec un ruisseau en contrebas. Puisque de la vase qui gicle entre les roseaux et au printemps des galets changés en grenouilles qui se voient pousser des pattes s'arc-boutent, il paraît qu'elles mangent des moustiques. Les suspects descendus de voiture sans bonnet ni lunettes, un blanc, un nègre et 6 métis. Je crois avoir déjà précisé tout cela, dont les âges sont compris. Curieux cette expression, qui comprend les âges? Entre 12 et 19 ans. Le plus âgé, le blanc, qu'ils appellent blondin, le droit d'obéir et c'est tout. Le belâtre verrouillant les portières, la femme oubliant ses cheveux. Mon Dieu! On n'était pas au printemps, donc pas de grenouilles. Des galets qui suichaient bien des moustiques et des petites herbes aux ambitions de joncs pour l'instant non satisfaites. Les suspects ont introduit leur passe-partout dans les portières. Un camion est passé avec un chargement de veaux dont on distinguait reflets de poils, mandibules, bave. Un des pneus libérés dansait sur l'essieu et le type dans sa cabine avec un fer à cheval sur le toit pour lui porter bonheur. Je n'ai jamais cru aux amulettes, fer à cheval, doigts croisés, trèfle à 4 feuilles en émail. C'est dès la naissance, soit on est avec du pot, soit on est sans. Moi c'était sans et voilà tout. La portière du bellâtre et celle de la femme grandes ouvertes. Le bellâtre. Que voulez-vous, messieurs ? Pas avec ses lèvres, avec la pomme d'Adam, vu que ses lèvres cousues tandis qu'il se cramponnait au volant, puis grandes ouvertes au moment où le guidon d'un pistolet de l'armée lui a déchiré la joue, et cette quantité de dents, mes aïeux, que la frayeur dévoile, canines, prémolaires, molaires et certaines sans nom dont on ignorait jusqu'à l'existence. Le bellâtre a voulu prendre un mouchoir dans sa poche, mais ils l'ont attrapé par le coude. « On n'est pas des messieurs, on est des nègres !» Et le bellâtre, avec ses dents sans nom, à plat ventre sur le bitume, pendant que la femme, dans le village de mon père, des châtaigniers en pagaille, fondait sur son siège en répétant « Mon Dieu !» L'un des suspects l'a attrapé par le coude à son tour, et la femme de réciter sa prière. Pas une prière en bonne et due forme, des mots qui s'empêtraient se mélangeaient. Elle avait une chaîne, des bagues, et a continué à prier pendant qu'il l'en dépossédait et défaisait son chemisier. Pour ma part, de telles violences m'indignent, mais mon subalterne a coupé court à mes indignations. C'est la vie! Les loupiottes braquaient sur la commissaire qui lui laissait des mots doux en pestant le parfum. La prière s'est prolongée le temps, environ 15 minutes, qu'ils abusent d'elle tout en se distribuant coups de poing et plaisanteries. Une sandale à talons a dévalé le talus pour aller se joindre aux gargouillis et aux soupirs de l'eau. Au printemps, elle deviendrait une grenouille coassante au crépuscule sans qu'aucun être vivant lui réponde. Qui se soucie d'une sandale croupissante entre deux flaques ? Jamais mon beau-père n'a fermé la fenêtre. Il jouait au domino, au café et sifflotait tout seul. Il y a des moments, les jours de repos, où, sans crier gare, comme pour la fenêtre, le sifflement vient me rendre visite. Je me surprends alors à l'imiter. Je souffle plus que je ne siffle en rangeant l'appartement. Un nouveau camion sans veau ni bave. 5 ou 6 voitures et à peine une voiture. Le bellâtre de se prendre à espérer, mais rien, excepté des nuages d'hiver du côté des rives du Tage, dérisoires cependant. Bon à rien, et le bellâtre embué de désillusions. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir au tribunal, la figure remise en état, parce que, entre-temps, la retraite, les plantes dans leur peau qui ont besoin d'affection et les dominos à mon tour. On m'a expliqué chez la fleuriste que les bégonias appréciaient la conversation autant que les animaux ou les enfants. Si ma mère entendait ça, elle me prierait de me taire. « Ça va pas la tête ?» Résigné dans sa peine en se remémorant la sentence de la maîtresse d'école qui m'a poursuivi pendant 40 ans. « Il ne connaît pas ses capitales. » De mon point de vue, un péché mineur. Allez donc retenir par exemple, je ne sais pas moi, Copenhague, Oslo, des villes où on m'a pris en photo certains mois d'août plein de grisailles devant un pont ou une statue. La femme sur une borne kilométrique, le chemisier en lambeaux et une blessure au front, un coup de crosse. Regardez-vous dans la glace, madame, nettoyez ces taches avec votre mouchoir. La montre du bellâtre au poignet d'un des suspects indiquait 0h53. Il lui en serrait le cou avec sa cravate et les dents plus grandes. Si j'avais été présent, moi, qu'il en manque plusieurs, je les aurais comptés, et au moins 60. Les dents, un hoquet et l'homme jeté là. Ils lui ont pris ses cartes de crédit et sa ceinture. À la surface du ruisseau, un projet de grenouille dans une vague ébauche de seaux. Si ça se trouve pas une grenouille, un galet avec des prétentions ou la sandale de la femme. Au loin, un grenier où les chouettes débusquaient des chauves-souris repliées dans leur silence. Elles les crochetaient avec leurs griffes au milieu des criailleries. Le sacristain jurait qu'elles buvaient l'huile des bougies des martyrs. J'ai demandé à mon beau-père, et mon beau-père... « La fenêtre !» C'était Antonio Lobo Antunes. Mon nom est Légion. Extrait. Première émission, texte dit par Philippe Magnan. Assistance technique et montage, Sylvain D'Angoise. Prise de son et mixage, Rémi Fessard. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Étienne Vallès.